بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا إخوان أفل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. A le plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن شاء الله avant de commencer à notre habitude on va commencer par la révision. On a pu voir la semaine dernière le cours il a tourné autour des critères qui doivent être observés quant à la lecture dans la prière. On a pu voir que la prière ou la lecture dans la prière, elle doit être modérée, même ni trop longue et ni trop courte, de manière à ce que les personnes qui sont présidées prient avec aisance. Avant cela, on a pu voir le jugement quant au fait de lire Al-Fatiha. Est-ce que la Fatiha doit être lue dans toutes les unités de prière? Quelle est la réponse de cela? Si vous vous rappelez, on avait évoqué la preuve du hadith celui qui ne savait pas bien prier. Il n'a pas de prière sur le hadith de l'inscription. Le hadith de celui qui ne savait pas prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné les piliers de la prière dans ce hadith-là. Tout ce qui a été évoqué dans la prière dans ce hadith-là, tous les énoncés font partie des piliers de la prière. Et parmi ces choses, il lui a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ثم كبر ثم قرأ أم الكتاب تمام ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. Il lui dit النبي صلى الله عليه وسلم après que tu aies fait le takbir et lu al basmala ou avant cela ni istihada ou al basmala, ensuite lit le fatiha et lit ce qui était possible du Coran, et à la fin après il lui dit qu'il faut qu'il fasse le ركوع et ainsi de suite, et à la fin il lui dit ثم افعل ذلك في صلاتك كلها, et ensuite répète cela dans toute ta salat, c'est-à-dire dans toutes les unités de prière. Donc le fait que Nabi Sallam dit répète cela dans toutes les unités de prière, ceci incombe qu'il doit répéter aussi Al-Fatiha dans toutes les unités de prière. Et comme on a pu le voir, il y a des avis qui ont été évoqués à ce sujet-là. Certains ont dit qu'il faut lire Al-Fatiha dans la majorité de la prière. Certains ont dit le fait que tu le lis dans la première unité de prière c'est suffisant. Comme on a pu le voir, tous ces avis-là sont des avis qui sont faibles. Et il a été évoqué un athar, si vous vous rappelez, de Ali radiallahu ta'ala anhu. Lis Al-Fatiha dans les deux premières raka'a et dans les deux dernières raka'a, il dit fait le tasbih. Quelle est l'authenticité de ce athar? Il l'a inventé. C'est un athar qui est moudou. Fihi Al-Harith Al-A'war. C'est un menteur. Et les personnes qui mentent, leurs hadiths, ils sont rejetés. Donc, même si jamais on aurait dit, laissons supposer que ce athar-là, il aurait été authentifié, et chose qui n'est pas le cas, on aurait répondu, si jamais on aurait laissé supposer que l'athar de Ali est contredit les autres. Et Kazalika, la parole du sahabi, la parole du compagnon, ce n'est pas une preuve en elle-même. Donc si jamais tu trouves un hadith, c'est pour dire que c'est un hadith. On dit que... Le compagnon, on ne fait pas précéder la parole du compagnon à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est, si on, on aurait laissé supposer que l'athar de Ali, il aurait été authentique. Mais ce n'est pas le cas. Donc on doit se contenter de lire Al-Fatiha dans chaque unité de prière. Et celui qui ne fait pas ça, sa prière ne sera pas valide. Cela est dû à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La salata liman lam yaqara bi fatihat al-kitab » Invalider la prière de celui qui n'aura pas lu Al-Fatiha, c'est-à-dire dans toutes les unités de prière. On a pu voir aussi, il y a parmi les choses qu'il nous a évoquées à l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il nous a dit « Yusan ziyada alayha » et il est recommandé, il fait partie de la sunna de rajouter dans les deux dernières raka'a, c'est-à-dire si jamais la prière, comme c'est le cas dans salat al-dhahr, al-asr, al-maghrib ou al-isha, tamam, ceux qui ont plus de raka'a, il nous dit que c'est kazalika, recommandé, même c'est pas, ça fait partie de la sunna, de lire dans ces raka'a-là. Qui se rappelle du dalil qui nous prouve cela? Si vous vous rappelez, on a évoqué le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous a informé de la description de la prière du prophète sallam, il y en a au niveau de la lecture. Il disait que dans le Dhuhr, Nabi sallam, il lisait quoi? Il y en a l'équivalent de Surat Sajda, dans les deux premières raka'as. Et il nous disait dans les deux dernières raka'as, il lisait la moitié de ce qu'il avait lu dans les deux premières raka'as. Et ainsi de suite pour l'Asr. Il nous a dit qu'il est dans l'Asr, il lisait dans les deux premières raka'as la moitié de ce que Nabi sallam, il lisait, tamam, dans les deux premières raka'as du Dhuhr. Et dans les deux dernières raka'as du Asr, il lisait la moitié de ce qu'il lisait dans les deux dernières raka'as du Dhuhr. Donc ceci nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa sunna, c'est de lire aussi kadhalika dans les troisième et quatrième raka'a. Et comme on a pu le voir, quant à la troisième raka'a du Maghrib et la troisième et quatrième unité de prière du Isha, Wallahu a'lam, il n'y a rien qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait cela. Lakin l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit que, comment on va le voir aujourd'hui, que بالتفاق, tamam, بالتفاق, العلماء, il nous dit que c'est recommandé de lire à voix basse dans, les troisième, dans la troisième unité de prière du Maghreb et dans la troisième et quatrième unité de prière du Isha. Il nous dit que ça fait partie de la sunna, selon l'unanimité des savants, de lire à voix basse. Donc Yanni est en train de nous affirmer que le fait de lire tamam, dans le Maghreb, dans la troisième raka'a du Maghreb et la troisième et quatrième unité de prière du Isha, il nous dit que c'est possible. Mais ça doit être fait à voix basse. Et cela est l'avis de l'unanimité des savants. Donc si Nabi, même si on n'a pas trouvé de dalil par rapport à cela, le fait que l'ulama, ils sont mujma'un alayha, le fait qu'ils soient unanimes sur cela, cela fait yani, que la personne lui est autorisée de faire ça. Même il lui est possible, c'est mubah. Hal yajuz italat al-imam l'inqara'a. Est-ce qu'il est possible à l'imam qui allonge sa prière ou la lecture de sa prière? Tfaddal. Numéro 9. Tu veux dire quelque chose, participant numéro 9? Dans la raka. Naam. On peut lire à la basse. Naam. Dans la parole de l'imam Nawawi, comme on va le voir, Inch'Allah, ce qui est compris, c'est même pas la parole, c'est un ijmer qui ramène. Tu vois. Il nous dit que les ulama, ils sont tous unanimes que dans la troisième unité de prière du Maghreb et la troisième et quatrième du Isha, il est tout à fait possible mais de lire à voix basse. Ils sont unanimes de le faire, laquelle à voix basse. Donc ceci nous prouve que c'est autorisé selon l'unanimité des savants. Est-ce qu'il y a un dalil qui nous prouve cela? Wallah alam, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas de dalil qui prouve que Nabi Sassam il l'a fait. Donc le fait de s'en tenir à lire dans les deux premières raka'as du Maghrib et du Isha, c'est la sunna. Et les jumeurs, ils montrent que c'est autorisé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tajtami ummati ala dalala. Tamam, ma communauté, ou plutôt les savants de ma communauté, ne se regroupent pas sur un égarement. Tamam. Donc pour revenir à la question que j'avais posée, on a pu voir, comme l'a répondu le participant numéro 7, il n'est pas permis d'allonger plus que la sunnah. Hakada la réponse. Parce que tu peux allonger, tamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lu dans Salat al-Maghrib, Al-A'raf, qui fait 24 pages, 2 hizb et demi. Tamam. Donc le fait de lire Al-A'raf dans une prière, c'est long. Lakin, c'est la sunna. Et la sunna, on ne peut pas la qualifier comme une chose qui est une charge ou bien une chose qui est lourde pour les personnes qui sont présidées. Donc la réponse, elle est telle que l'a dit le participant 7, tamam, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'allonger plus que la sunna, car cela, comme on a pu le voir, yani, est une mashaqqa, est une difficulté et une charge que tu es en train d'affliger aux personnes qui sont présidées. Donc il faut s'en tenir à la sunna. Mais si jamais tu fais moins que la sunna, Yanni, c'est moins pire que le fait que tu allonges, justement, le fait que tu allonges, tu es en train de mettre une mashaqqa, et Nabi Sallam l'a dit, « Inna sharra ri'a al-hutama » Les pires des responsables, ce sont ceux qui sont durs, qui affligent des difficultés aux responsabilités qui leur ont été confiées. Donc il faut se contenter de la sunna et de ne pas allonger, et ne pas allonger plus que la sunna. Comme on a pu le voir, Hani, Nabi Sallam l'a dit, « Il salla ahadukum linnas » فليخفف أو فليوجز فإن فيهم فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. Il dit aussi ça, lorsque la personne elle prie, elle préside la prière, il se doit de l'alléger. C'est pas la raccourcir, mais l'alléger. Car il a, il y a les personnes qu'il préside, certains d'entre eux sont des personnes âgées, d'autres ils sont faibles, d'autres ils ont des occupations, et là, donc il faut, il y en a observé. Parmi les choses que d'observer l'imam, de regarder les personnes qui sont derrière lui, et ne pas se contenter de seulement, comme on peut le voir, juste de faire du tajwid ou bien non. Il faut que tu regardes qui est derrière toi, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois doux avec les personnes qui sont derrière toi. On avait pu voir, kadhalika, une bonne faïda de l'imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui nous disait, ou plutôt on va la poser sous une forme de question. Lorsque la difficulté est observée chez les personnes qui sont présidées, à partir de quel moment il est permis à l'imam, ou plutôt même il est recommandé à l'imam, de raccourcir sa prière? Est-ce qu'il doit observer pour cela la majorité, ou bien il suffit qu'une personne parmi les personnes qui sont présidées ait ressenti une difficulté pour que ceci soit une cause légiférée pour lui pour qu'il raccourcisse la prière dès qu'il y a une personne? Non, une personne suffit. Qui se rappelle du dalil? Non. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a raccourci la prière, lorsqu'il a entendu les pleurs de l'enfant. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أطيل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي خشية أن أشق على أمه. Et il dit le Nabi صلى الله عليه وسلم sallam, lorsque je rentre en prière, j'ai envie de l'allonger. Mais j'entends les pleurs de l'enfant. Et ceci me fait qu'il y en ait, je préfère raccourcir la prière, car je sais que la mère ressent une difficulté. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit, regardez, le Cheikh Al-Uthaymin, il dit, observez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé la difficulté, il y en a sur une personne. Il a regardé juste, il a raccourci la prière par rapport au fait qu'il avait une difficulté qui était affligée à une personne. Donc la majorité n'est pas à observer dans ce genre de situation-là, laquelle une seule personne suffit. Donc il faut être hakim jiddan. Lakin, comme on a dit, la sunna dans l'imam, lorsque tu présides, c'est que tu restes sur la manière dont le prophète sallam l'a lu. Donc la personne, si jamais Ali, dans le fajr, comme on a pu le voir, la sunna du prophète sallam, c'est de lire entre 60 et 100 versets. Si la personne Ali, dans deux rak'as, du fajr, Ali al-waqi'a, ou bien Ali, barakallahu fikum, on va dire un najm, les sourates qui sont mutawassita, les personnes qui sont derrière, elles n'ont pas à se plaindre. Parce que ça, ils n'ont pas qualifié cette lecture-là, qu'elle est longue, ou bien qu'il est en train d'affliger une charge et tout ça, et la rédige, là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne qui était la plus douce. Et malgré cela, il a lu 60 à 100 versets. C'est la personne qui nous dit, lorsque l'un d'entre vous préside la prière, qu'il allège la prière. Donc le fait que Nabi sallam l'ordonne d'alléger la prière et lui-même il lit entre 60 et 100 versets dans le Fajr, ça veut dire que le fait que tu lis 60 et 100 versets, c'est un allègement pour les personnes qui sont présidées, et ce n'est pas une charge et une difficulté pour eux. Donc kadhalika, les personnes qui sont présidées, ils ne doivent pas faire précéder leur passion à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant non, l'imam il a lu trop, il a lu l'Waqi'a, c'est trop long, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit faut le khafif, quand il dit il faut le khafif, il ne faut pas comprendre qu'il a dit il faut lire qul wallahu ahad à chaque fois. C'est-à-dire, le khafif, il faut qu'il soit content à lire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu. On a pu voir kadhalika, barakallahu fikum, le jugement de Amin. Le fait de dire Amin, quel est le jugement quand on fait d'élever la voix? Est-il permis d'élever la voix pour l'imam et pour celui qui est présidé lorsqu'il dit Amin, ou bien de le dire à voix basse, discrètement? Non. Oui, élever la voix. Il faut qu'il élève la voix. Est-ce que ceci touche l'imam comme ceux qui présidaient, ou bien y a-t-il une différence entre les deux? Pas de différence, non. L'imam comme, non, les deux. L'imam comme celui qui est présidé, ils doivent élever la voix lorsqu'ils disent Amin. Qui se rappelle, Barakallahu fikum, du dalil, nous prouvons cela. Non, déjà le fait que, Nabi Sassam, il a dit, Inama ju'ala l'imam liyutamma bih. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit lorsque l'imam il dit Amin, dites Amin. تمام؟ On va le voir, c'est كذلك الصحابة. تمام؟ L'imam lorsqu'il dit Amin, dites Amin. تمام؟ Donc le fait, comment il faut toi tu dises Amin à partir du moment où l'imam il a dit Amin. Donc si jamais il lève pas la voix, comment tu peux le suivre? Ça c'est une chose. جيد. La deuxième, c'est que النبي صلى الله عليه وسلم comme c'est venu de l'imam Tirmidhi, النبي صلى الله عليه وسلم il a élevé la voix. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم il a élevé la voix. فقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الضالين قال آمين ورفع صوته. Le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Il disait que النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il disait ولد الضالين ensuite il disait آمين. Il disait آمين. Et il a élevé la voix pour cela. كذلك comme on a pu le voir القول le hadith disant que l'imam قول نعم النبي صلى الله عليه وسلم dit فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. Comme on a pu le voir, les savants de la langue arabe, كذلك comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ils sont tous unanimes que al-qawl, la parole, on ne peut pas dire d'une chose qu'elle est une parole que si jamais elle contient des particules et qu'on l'entende. La parole dans l'arabe, il faut qu'elle soit entendue et qu'elle ait un sens. Donc le fait que Nabi Sommet dit فقولوا, c'est comme s'il nous disait يعني dites يعني d'une voix qui se fait entendre Amin. Mais est-ce que c'est permis de dire à voix basse? C'est khilaf as-sunnah. C'est khilaf as-sunnah. Comme on a pu le voir, comme l'a dit le participant A, c'est la voix de Sahaba. Comme on a pu le voir avec le hadith ou l'athar de Ibn Zubair, qui a dit que lorsqu'il a dit Amin, ceux qui étaient derrière lui, ils ont dit Amin jusqu'au point que la mosquée a vibré. Donc le fait de dire à voix basse, c'est khilaf al-awla. Parce que Nabi Sassam, il te dit Fakoulou Amin. Il t'ordonne de dire Amin. Hatta, Wallahu A'lam, celui qui dit même, yani, qu'il est obligé de dire à celui qui est présidé d'élever la voix pour cela, il a un dalil. Parce que le prophète, il lui ordonne, il a dit Fakoulou. Ça, c'est un ordre. C'est comment ça s'appelle la forme impérative dans l'arabe, c'est un ordre. Et l'ordre dans le din, il implique quoi? Et l'obligation à partir du moment qu'il n'y a aucune chose qui prouve le contraire, qui dévie le jugement de l'obligation vers la recommandation. Donc le fait qu'il nous dit Fakoulou, on sait que déjà, Yannick, le fait de dire Amin, c'est une obligation qui incombe à celui qui est présidé. Le fait qu'il dise. Est-ce que maintenant, le fait d'élever la voix, pour cela, c'est une obligation? Ceux qui disent que c'est une obligation, en tout cas, ils ont un dalil avec eux, c'est l'ijma'. Que la parole dans l'arabe est une chose qui est entendue. Et le fait que le prophète t'ordonne de dire une parole, donc ça implique qu'elle doit être faite à voix haute. Donc, Allah a'lam. Ceux en tout cas qui disent qu'il faut le dire à voix basse, c'est une obligation, en tout cas ils ont un dalil avec eux. Et ceux qui maintenant, ils disent non, c'est recommandé, alayhim bid dalil, wallahu a'lam. En tout cas, il faut lever la voix. Ce qui est connu, c'est d'élever la voix par rapport à cela, à voix haute. Jusqu'au point, rappelle-toi, ils ont fait trembler la mosquée. C'est-à-dire que c'était une chose qui était bien connue. À partir de quel moment il doit dire Amin? Même pour celui qui essaye. À partir du moment que la salat a la voix haute, il le dit. Quand l'imam il le dit. Quand l'imam il le dit. À partir du moment où il le dit, tu le dis. Et pas avant. Et après, il ne faut pas le faire. Si jamais tu le fais avant, c'est un péché. Après, dalin. Et ça, il dit après dalin, si jamais il n'a pas entendu l'imam le dire. Si l'imam il n'a pas dit, voilà dalin. S'il n'a pas dit, je veux dire, amin, après voilà dalin. Ce qui est présidé dit amin. Mais s'il a entendu dire amin. Il commence à dire Amin lorsqu'il a entendu dire l'imam, ou commencer à dire Amin. Ça va? Inch'Allah, on va rentrer dans le cours, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'on avait pu voir. S'il le dit après, il n'a pas de péché là, il n'a pas de péché. Il a khala fa sunna. Ce qu'il a dit Amin après l'imam. Là, qu'il n'a pas dit au même moment, en fait, il s'est privé à lui-même le fait de se faire pardonner ses péchés antérieurs. Parce que le fait que tu le dis au moment où il a dit l'imam, ta voix, Inch'Allah, et ou plutôt ton Amin, il va correspondre avec ceux des Malaïkas. Et Nabi Sallam dit, lorsque ton Amin correspond avec ceux des Malaïkas, tes péchés antérieurs seront pardonnés. Donc même si jamais il le dit après, c'est-à-dire après qu'il a dit l'imam, son Amin, il va pas concorder avec quoi? Coïncider avec ceux des Malaïkas. Donc il va être privé de ce grand bienfait qui est l'expiation des péchés antérieurs. Donc là, on peut voir vraiment que c'est makruh alayhi. Il a délaissé une chose qui est vraiment, qui était recommandée, qui était préférable pour lui. Et quand il prie, ça, il lui dit farnam. Si jamais la prière à la voix haute, c'est la prière à la voix haute, il dit. Amma wa basna. Dans les prières qui sont à voix basse, là. Parce que la prière à la voix basse. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans la prière, la voix basse. Al-Fatiha wa kullu shay. Takbirat, kullu shay. Tout ce qui est dans les prières à voix basse, il dit tout à voix basse. Excepté quoi? Le takbir pour celui qui est l'imam. Celui qui est imam, afin qu'il soit suivi, il doit dire le Allahu Akbar pour que les gens ils savent qu'il est entré dans la prière. Il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il va en recours. Samir Allahu Liman Hamida lorsqu'il revient. Allahu Akbar lorsqu'ils vont soujoud. Toutes les choses qu'ils font, qui vont aboutir à ce que ceux qui sont présidés le suivent, il faut qu'ils les disent à voix haute. Même si la prière est à la voix basse. Inch'Allah, ندخل وفيكم بارك الله. ندخل إن شاء الله في الدرس اليوم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى الجهر والإسرار بالقراءة. إنجي يعني le fait d'élever la voix et de la baisser, c'est-à-dire de la faire à voix basse, d'avoir une lecture à voix haute ou bien une lecture à voix basse. Tamam? Quel est le jugement de cela et quand est-ce qu'il est permis de faire cela? Tel est le thème qui va nous évoquer dans ce paragraphe là. قال رحمه الله تعالى ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. إن جي شيخ الألباني رحمه الله تعالى تمام. Donc celui qui prie, il doit élever la voix tamam pendant la lecture, lorsqu'il est dans la prière du subh, prière de la jumu'a, dans la prière des aidain, c'est-à-dire les deux fêtes, al-istisqa, lorsqu'on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous abreuve yani d'une pluie tamam, Al-Kusuf, qui est la pleine lune, tamam, parce qu'on voit la pleine lune, et dans les deux premières rak'a du Maghrib et du Isha. Dans les deux premières rak'a du Maghrib et de l'Isha. Quant au salawat al-Khams, tamam, les cinq prières obligatoires, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a ramené un ijma', tamam, que les savants sont tous unanimes, tamam, qu'il est préférable et qui fait partie de la sunna, que celui qui prie, dans sa lecture, il élève la voix dans la salat al-subh, comme l'a évoqué l'imam al-Albani, dans les deux premières rak'a du Maghrib, l'Isha, et Kazalika, dans le Jumu'a. Les savants sont tous unanimes qu'il est préférable de faire cela, et qui fait partie, et cela fait partie de la sunnah. Donc, comme on a pu le voir, il y a beaucoup de hadiths qui montrent cela, que le Prophète sallam, il élevait la voix. Et le fait que les compagnons nous ont rapporté les différents surat que le prophète sallam lisait dans ces prières-là, qui est Subh, de l'Maghrib et de l'Isha, ceci nous prouve qu'ils ont entendu. Car si jamais ils n'auraient pas entendu, tamam, comment ils auraient pu nous rapporter qu'il a lu tel surat, tel surat et tel surat. Donc ceci nous prouve que le prophète sallam, il a élevé la voix. Et alhamdoulilah, il y a un ijma' par rapport à cela. Les savants sont tous unanimes sur ce point-là, comme l'a évoqué l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Quant à la salat al-istisqa, ou plutôt avant cela, salat al-aidain, les savants ont divergé à ce sujet-là. Lakin al-sahih, yani l'avis qui est juste et prépondérant, c'est que yani, dans salat al-aidain, c'est-à-dire les deux Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, il est recommandé, il fait partie de la sunna, que celui qui prie, il élève la voix. Il élève la voix pendant la salat de l'Aïd. Pendant la salat de l'Aïd. L'imam Ibn Abd al-Bar et l'imam al-Nawawi, ils ont rapporté un ijma'. Lakin, comme ça a été évoqué de l'Hassan al-Basri, وكذلك سفيان الثوري وابراهيم النخعي, ces trois éminents salaf, ils ont divergé sur ce sujet-là. Ils ont dit que salat al-Aïd doit se faire à voix basse. Lakin, ils n'ont pas de preuves pour cela. Et l'avis qui est le plus juste est l'avis de la majorité des savants, qui est que tu dois élever la voix, la personne doit élever la voix dans la lecture de salat al-Aïdain, Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. Cela est l'avis de la majorité des savants. Et la preuve qui nous prouve cela, les hadiths dans lesquels il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant salat al-Aïd, yani qaf, tamam, qaf al-qamar, wa sabbih isma rabbika al-a'la wal-ghashiya. Donc le fait que les compagnons nous ont dit que l'Nabi sallam il lisait ces différentes sourates, ceci nous prouve qu'il les a entendus. Tamam. Comme l'a dit l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala fi al-Irwa, il dit ceci nous prouve que les sahaba ils ont entendu que le prophète sallam a lit yani telle sourate et telle sourate pendant salat al-Aïd. Donc al-dhahir, yani d'apparence, l'Nabi sallam il a élever la voix pendant la salat al-Aïd. Voilà pourquoi les sahaba nous ont apporté les types de sourates que Nabi Sallam avait pour habitude de lire dans salat al-Aïd. Donc l'avis qui est juste, c'est de dire qu'il est préférable et recommandé, et qui fait partie de la sunna, d'élever la voix pendant les deux prières, pendant la prière de l'Aïd, pendant la prière de l'Aïd, que ce soit l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Fitr. Quant à l'istisqa, yani, lorsque tu demandes qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, fasse descendre une pluie, l'imam ibn Abd al-Barr, l'imam ibn Battal, ils ont kazalika ramené l'ijma' sur cela. Que les savants sont tous unanimes, qu'il fait partie de la sunnah d'élever la voix pendant la lecture de salat al-istisqa. Donc, il n'y a pas de divergence sur ce sujet-là. Et, alhamdoulilah, les savants sont tous unanimes sur cela. Donc, ceci est une preuve claire qu'il faut élever la voix pendant la lecture de la salat al-istisqa. Au kazalika, salat al-kusuf. Salat al-kusuf, c'est la prière de l'éclipse, comme ils disent. Kazalika, la vie, il y a une divergence dans cette mas'ala-là, dans ce sujet-là. Lakin, l'avis qui est prépondérant et juste, c'est que Kazalika, il faut élever la voix. Et même si dans cette mas'ala-là, même s'il y a une divergence, lakin, cette divergence-là, elle n'a pas lieu d'être. Car il y a un hadith qui est clair et bien précis sur ce sujet-là, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et al-Muslim, qui est muttafaqan alayhi, selon Aïcha, radiallahu ta'ala anha, annaha qalat, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, jahara fi salat al-kusuf bi qara'atihi. Et ça, c'est le lafz muslim. Aïcha radiallahu ta'ala anha nous a informé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude, ou plutôt a élevé la voix, pendant la prière du kusuf. Ce hadith-là, il est muttafaqun alayhi. Donc, comme ceci s'est produit qu'une fois à l'époque du prophète sallam, donc les autres athars ou hadiths qui prouvent l'inverse, ils ne sont pas sahih. Donc, l'avis qui se doit d'être pris, c'est ça. De dire que il fait partie de la sunna d'élever la voix pour salat al-kusuf, et la divergence qui a été évoquée à ce sujet-là, elle n'a pas lieu d'être, parce que le hadith il est clair, net et précis. Anna nabi sallam jahara, le prophète sallam yani a élevé la voix pour la salat de l'istisqa. Wa qala rahimahullah ta'ala wa yusirru biha fi salat al-dhahr wal 'asr wa fi al-thalithah min salat al-maghrib wal ukhrayayn min salat al-'isha. Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dit: et quant à la prière du Dhuhr, du Asr, et dans la troisième unité du Maghrib, et dans la troisième et quatrième unité de prière du Isha, il dit, yani la sunna, c'est de lire à voix basse. C'est de lire à voix basse. Et kadhalika l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a apporté l'ijma' des ulama, l'unanimité des savants, qu'il est recommandé de lire à voix basse dans les prières du Dhuhr ou al-Asr, et dans la troisième unité de prière du Maghrib, et dans la troisième et quatrième unité de prière du Isha. Et ça, par unanimité des savants. Les savants sont tous unanimes à ce sujet-là. Donc c'est l'ijma' que je vous ai évoqué dans la révision. Donc ceci nous prouve que, qu'il est possible de lire dans la troisième et dans la troisième unité de prière du Maghrib, et la troisième et la quatrième unité de prière du Isha. Car l'imam Nawawi nous dit qu'ils sont tous unanimes quant au fait qu'il est possible de lire à voix basse dans ces prières-là, c'est-à-dire dans le Dhar, dans le Asr, dans la troisième unité de prière du Maghrib, dans la troisième unité et la quatrième unité de prière du Isha. Donc ils sont tous unanimes à ce sujet-là, et ceci fait partie de la sunna, comme l'ont évoqué ces éminents savants, rahmatullahi alayhim. Kadhalika, parmi les prières qu'il est bon d'évoquer, que n'a pas évoqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est le janaza. Kadhalika, al-janaza, comme on a pu le voir la semaine dernière, ou plutôt le lundi dernier, l'imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala nous dit qu'il ne connaît de divergence à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il ne connaît aucun savant qui ait évoqué qu'il est possible d'élever la voix pendant salat al-janaza. Il nous dit la a'lamu khilafan annahu yusan as-sirr fi al-janaza wa annahu la yuqra ba'da al-fatiha shay'an. Il nous dit l'imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, je ne connais de divergence quant au fait qu'il est recommandé de lire à voix basse et qu'il n'est pas permis d'ajouter après la Fatiha pendant Salat al-Janaza. Il n'est pas permis d'ajouter après la Fatiha une sourate, et kadhalika, il est recommandé, la sunna est de lire la Fatiha à voix basse. Et de lire la Fatiha à voix basse. Et lorsque l'imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala nous dit, la a'lamu khilafan, il veut dire par là quoi? Que les savants sont tous unanimes. Yani, selon son investigation, il a pu voir et sa recherche qu'il n'y a aucun savant qui ont fait la fatwa qu'il était possible de faire ça à voix haute ou bien de lire une sourate après la Fatiha. Lorsqu'il dit l'imam Ibn Qudamah la a'lamu khilafan, c'est comme s'il disait ajma'a al-muslimun, c'est comme s'il disait les savants sont tous unanimes à ce sujet-là. Lakin, il a préféré utiliser le terme la a'lamu khilafan afin d'être de s'abstenir de dire une chose qui peut être, rien n'est le contraire. Car rien n'est le fait que tu dises, ils sont tous unanimes, ça implique que tu es parti voir tous les savants de ton époque, même, et comme on a pu voir à son époque, parce qu'il fait partie du 6e siècle, même, ou plutôt du 7e siècle, les savants de son époque, ils étaient dispersés. Il y avait des savants en Chiam, il y avait des savants en Irak, il y avait des savants à Misr, il y avait des savants dans le Hijaz. Ils étaient un peu éparpillés à droite à gauche. Donc le fait de prétendre qu'il t'a été informé que tous ces personnes-là sont unanimes à ce sujet-là, c'est un peu gros. C'est pour ça qu'il a utilisé le terme « la a'lamu khilafan ». Selon ce que je connais personne qui a évoqué l'inverse de ce que je suis en train de vous rapporter, qui est qu'il est préférable et qui fait partie de la sunna de lire à voix basse pendant salat al-janaza. Donc à preuve du contraire, l'ijma' il est qa'im, donc celui qui prétend l'inverse, qui doit ramener une preuve, et on ne connaît pas de preuve par rapport à cela. Bien au contraire, il a été rapporté de Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, annahu jahara bil qira'ah fil janaza, que Ibn Abbas, il a élevé la voix pendant salat al-janaza. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été parvenu sur Atharla d'Ibn Abbas, il a interprété, il a dit, fa'ala dhalika li ta'lim. Il a juste fait cela, yani, afin d'enseigner aux gens qu'est-ce qui doit être lu pendant le janaza. Donc, wallahu a'lam, l'affaire d'Ibn Abbas n'est pas une preuve en elle-même pour dire qu'il yani, est possible d'élever la voix ou la lecture pendant salat al-janaza. Donc, on interprète comme l'a interprété l'imam Ahmed, il a fait cela pour que les gens sachent yani, qu'est-ce qu'il faut ramener pendant salat al-janaza. قال رحمه الله تعالى ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في صلاة سرية. Il dit, yani, il fait partie, ou plutôt il est autorisé à l'imam, yani, que de temps en temps, il fasse entendre yani, sa lecture dans les prières qui sont faites à voix basse. C'est-à-dire, il fait entendre aux personnes qui sont présidées certaines des ayats qu'il lit dans la prière qui est faite à voix basse. Même. Donc, il élève la voix sur certaines ayats et pas sur toute la lecture qu'il lit pendant la prière qui est faite à voix basse. Ceci fait partie de la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu, le hadith est muttafaqun alayhi, qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr fi rak'atayn al-awliyayn bi fatihati al-kitab wa suratayn qala wa yusmi'una al-ayah ahyanan. Il nous dit Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, ou plutôt yani al-shahid, ce qui nous intéresse dans le hadith, et tout nous intéresse dans ce hadith là, lakin ce qui est opportun d'évoquer dans ce hadith-là, qui est relatif à ce sujet-là, c'est qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous faisait entendre certaines ayats de temps en temps. Certaines ayats de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il élevait la voix dans les prières qui sont faites à voix basse. Donc ceci fait partie de la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Wa kadhalika, le hadith d'Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'anhu, qui a été rapporté par l'imam al-Nasai, وابن ماجه وصححه الشيخ مقبل رحمة الله عليه قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة اللقمان والذاريات. Il nous dit البراء بن عازب dans ce hadith qui a été authentifié par Cheikh Mokbel رحمة الله عليه, il nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il priait la prière de الظهر, on pouvait entendre certaines ayats, on entendait des ayats après ayats de la sourate de Luqman al-Dhariyat. Le prophète il a élevé la voix lorsqu'il a lu Luqman al-Dhariyat et il leur a fait entendre certaines ayats de cette sourate. Donc ceci nous prouve que il est permis à la personne qui est imam de faire cela pendant la prière, c'est-à-dire leur faire entendre certaines ayats dans les prières qui sont faites à voix basse. Et ça c'est là l'avis qui est juste et qui doit être pris. Certains savants, comme c'est le cas des Ahnaf, ceux qui suivent l'idéologie de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, et certains d'autres ulama, ils voient yani, qu'il n'est pas permis de faire cela, c'est-à-dire d'élever la voix dans certaines ayats, dans certains versets, des prières qui sont faites à voix basse. Lakin, comme on peut le voir, les hadiths qui ont été évoqués, c'est des hujja alayhim, c'est des arguments qui sont contre eux et non pas pour eux. Et ils ont interprété cela par une interprétation qui est faible. Ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela parce qu'il était tellement concentré dans sa prière qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a élevé la voix dans certaines ayats. Lakin, ça c'est un ta'wil. Et ta'wil, yani, il demande un dalil. Nous on reste sur zahir, sur l'apparence, qui est évoqué dans ces hadiths-là, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça de manière volontaire. De manière volontaire et non pas comme l'ont évoqué certains ulama. Il n'a pas voulu faire cela. Mais tellement il était concentré, tellement il était plongé dans sa prière, il aura fait entendre certains des versets. Ça, c'est un qawl qui est d'arif jiddan. C'est une position, un avis qui est très faible. قال رحمه الله تعالى وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. Il dit quant à la prière du witr et la prière de la nuit, قيام الليل, il dit que le prophète sallam, de temps en temps, il élevait la voix dans sa lecture et de temps en temps, il baissait la voix et de temps en temps, il lisait d'une lecture qui était entre quoi ? Entre la voix basse et la voix haute. يتوسط في رفع الصوت. Ni il élevait la voix et ni il les a à voix basse, tamam, entre les deux. Et la preuve qui nous prouve cela, hadith Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, عند l'imam al-Tirmidhi wa al-Nasai, wa sahahahu Sheikh Muqbil, wa l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhima, qala Abdullah ibn Abi Qais, qala sa'altu Aïcha radiyallahu ta'ala anha, kayfa kanat qira'atu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-layl, faqalat, kullu thalika, قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر بالقراءة وربما جهر فقال عبد الله ابن ابن قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. تمام. donc dans ce hadith là qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et al-Nasa'i selon Abdullah ibn Qais et authentifié par Sheikh Muqbil et Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhima, il nous dit j'ai questionné Aïcha yani sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, la prière qui est faite pendant la nuit. En gros, il lui a questionné Yanni sur la manière. Est-ce que la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à voix basse ou elle était à voix haute ? Aïcha a dit, de temps en temps il levait la voix et de temps en temps il baissait la voix dans sa lecture. Tamam. Donc de temps en temps il faisait cela et de temps en temps il faisait cela. Comme l'a évoqué Sheikh al-Albani, yusirru fiha taratan wa yajharu taratan. Donc il faisait cela et cela. La sunna c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est-à-dire parfois tu élèves la voix, même dans la prière de la nuit, et parfois tu baisses la voix dans la prière de la nuit, et comme on va le voir aussi, et parfois tu fais quoi ? Tu la lis entre eux, du juste milieu. Ni tu fais à voix haute, et ni à voix basse. Lakin hada, il doit être fait pour une raison, comme on va le voir. Si jamais tu as peur que, si jamais les gens, ou certaines personnes entendent ta lecture, ils incitent le Coran, ou bien tu as peur qu'un mal se produise, si jamais les gens entendent ta lecture, comme cela a été rapporté par Ibn Abbas, رضي الله عنه, et le hadith est متفق عليه. فقال في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متواتر بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون قراءته سباه ومن أنزله ومن جاء به فقال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك أي فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر بذلك وابتغ بين ذلك سبيلا يقول ابن عباس بين الجهر وبين المخافة. تمام. دوك سو حديث كي اوتنتيك متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنه نو في تفسير دو الآية ولا تجهر بصلاتك كي دون سورة الإسراء. Il nous dit, ce verset-là est descendu lorsque le prophète sallam était yani, dans ses premiers moments à Mecca, c'est-à-dire après qu'il est devenu yani, un nabi, dans ses premiers moments de Mecca. Lorsqu'il présidait la prière, pour le sahaba, il élevait la voix, ce qui a abouti à ce que les mushrikoun, ils ont insulté le Coran, ils ont insulté Allah azawajal, ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ceci s'est produit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui ce verset-là. La tajhar bisalatika, n'élève pas ta voix lorsque tu lis, t'as pendant la prière. Pourquoi ? Afin que les mushrikoun ils n'entendent pas le Coran et pour l'insulter. Tamam. Wa qala wa la tukhafit biha. Et non plus, ne lis pas yani, d'une manière à ce que ceux qui sont derrière toi ils n'entendent pas la prière et ça va être une cause yani, qui vont fuir et qui vont partir et qui vont pas écouter le Coran. Wa batari bayna dhalika sabila. Et cherche entre eux cela et cela yani une lecture entre la voix haute et la lecture qui est faite à voix basse, afin que les compagnons l'entendent et afin que les mushrikoun ne l'entendent pas, afin qu'ils n'insultent pas le Coran. L'imam Nawawi dit il est possible de faire cela, c'est-à-dire il lit d'une manière d'un juste milieu. Si jamais il a peur d'une mafsada, si jamais il a peur que, comme c'est le cas, comme ça s'est produit avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a ni qu'une personne insulte le Coran ou insulte Allah azza wa jalla. Donc si jamais c'est le cas pour une personne lorsqu'il lit, il entend des personnes qui insultent le Coran, parce que maintenant ils ont de la répulsion, comme c'est dans le cas des pays des kuffars, ils ont de la répulsion pour le Coran, dans ce cas-là, il incombe à l'imam de ne pas élever la voix de manière à ce que le Coran ne soit pas insulté. Donc dans ce cas-là, c'est bien de lire d'une manière d'un juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ou sinon, si jamais il est à l'abri de cela, que le Coran soit insulté, la sunna c'est de faire de temps en temps à voix haute et de temps en temps à voix basse, comme ça a été évoqué dans le hadith d'Aïcha précédemment cité. وقال رحمه الله تعالى ترتيل القرآن لليكتيون دو القرآن قال والسنة قال والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. Il nous dit yani, quant à la lecture, la manière dont la personne doit lire, l'imam, il dit doit lire yani, la lecture d'une manière ورتيل القرآن ترتيلا, c'est-à-dire qui donne à tous les particules, tous les حروف, tamam, qui donne leur droit, tamam, qui sortent chaque harf, comme il se doit d'être sorti. Et il nous dit, la haddan wa la rajala, yani, pas de manière rapide. Parce que yani, peut-être ceci va aboutir à ce que tu manges les mots. Et le fait de manger les mots, ceci est interdit parce que le professeur l'a dit, ou plutôt Allah azawajal, il a dit, waratilin qur'an tartila, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger les mots lorsque tu lis. Tu dois lire d'une manière à ce que chaque harf yani, soit entendu, et chaque harf, tu as donné son droit yani, lorsque tu l'as prononcé. Il faut que tu le prononces comme il se doit. C'est ça la ma'na de ratil al-Qur'an tartila. Lis le Qur'an d'une bonne manière. Qala bal qira'atan mufassiratan harfan harfan, c'est-à-dire qu'il lit lettre après lettre. Donc comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, la sunna c'est cela. C'est-à-dire de lire, de donner à chaque harf son droit. Tu dois le sortir comme il se doit, lettre après lettre. Nam, jazakallahu khairan. Donc tu dois le sortir en lettre après lettre. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ورتل القرآن ترتيلا. Lis le Coran d'une bonne manière, c'est-à-dire tu donnes le droit à chaque lettre lorsque tu le prononces. Tu dois la prononcer tamam, de la manière dont elle doit être prononcée. قال الراهب الأصفهاني, il nous explique quel est le sens de رتل القرآن ترتيلا. Il nous dit c'est le fait de faire, de prononcer tamam, d'une manière simple, yani aisée, les lettres. Tamam. Tu dois les sortir yani, d'une manière aisée, sans t'infliger à toi-même une charge yani, de changer ta voix ou bien de tamam, une chose qui va faire que qui va aboutir à ce que la lettre tamam, à soi pas prononcée de la manière dont elle doit être prononcée tamam. Donc bila takalluf, sans qui s'inflige à lui-même une charge yani, lorsqu'il lit le Coran, c'est-à-dire qu'il lit kadalika, il donne yani, à chaque particule, à chaque lettre son droit. Qala Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il nous dit yanbaghi lil-insan idha qara al-Quran an yatarattala fihi وأن لا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الحروف والواجب في القراءة إعطاء كل حرف حقه من المخرج. إنه دي شيخ الألباني شيخ العثيمين تمام. Donc il incombe, il convient à la personne lorsqu'il lit le Coran yani, qui ne s'empresse pas dans la lecture afin que ça n'aboutit pas à ce qu'il mange yani, certaines lettres yani, qui ne donnent pas le droit à la lettre qu'elle doit avoir. Il dit il ne doit pas s'empresser à lire d'une manière à ce que qu'il mange certaines lettres. يسقط يعني بعض الحروف. Il dit ce qu'il incombe, ce qui est obligatoire, c'est que tu donnes à chaque lettre son droit. Tamam. Il dit dans la ayah, waratil al-Qur'an tartila, certaines personnes ont pris ce dalil-là, cette ayah-là, pour dire que la science du tajwid, c'est une science qui est obligée. Cheikh Al-Uthaymin, il dit non, ça c'est une mauvaise compréhension. Tamam. Ce qui est obligé, c'est que tu donnes à chaque lettre tamam, son droit. C'est-à-dire, même si jamais tu ne mets pas les règles du tajwid tamam, dans ta lecture, il te suffit, afin que tu sois conforme à ce verset-là, que tu aies donné à chaque lettres sont droits, même si jamais tu ne fais pas le tajwid, c'est-à-dire que tu ne fais pas les runnas, tu ne fais pas les ahkam de tajwid, tu dois donner à chaque lettre son droit et la manière dont tu dois être prononcé. C'est ça qui est wajib. Amma tajwid, il nous dit, ça c'est mimbab et tahsin, c'est mimbab yani pour embellir la lecture. T'as même. Donc ce n'est pas une chose qui est obligatoire, mais c'est afin que ta lecture soit yani, beaucoup plus parfaite et beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable yani, à l'entente. T'as même. Amma si jamais la personne, on va dire, مثلا, ali, قول أعوذ برب الناس, مثلا. Normalement, yani, lorsque tu dis avec ta juge, tu dis, قول أعوذ برب الناس, ça, tu dois mettre la runna, tamam, les drames dans le nun. Tamam, la personne, مثلا, si elle dit, قول أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, min al-jinnati wan-nas, c'est-à-dire il a pas mis le ghunna, normalement tu dois dire min sharri, hein? Si jamais il a lu comme ça normalement sans faire l'erreur du tajwid, est-ce qu'on dit, est-ce que yani il est athim, est-ce qu'il a fait, il a commis un péché là, tamam? Il dit Cheikh al-Uthaymeen, il a pas commis de péché parce que la aya, ce qui est ordonné, c'est pas de faire le tajwid, lakin de donner à chaque harf son droit, c'est-à-dire tu dois la prononcer et pas manger le mot, tamam? C'est ça qui est voulu dans la aya, c'est-à-dire que du moment Naam. À partir du moment où tu as prononcé, yani, comme il se doit d'être prononcé dans l'arabe. Naam. Alif, tamam, le A, le Ba, le Ta. Tu dois le prononcer comme il doit d'être prononcé dans l'arabe. Tamam. À partir de ce moment-là, ta lecture elle est correcte. Tamam. C'est-à-dire que tu n'as pas de péché. Mais lakin, c'est mieux, comme on va le voir, que tu embellisses ta voix pour le Coran et que tu fasses les ahkam de tajwid. Tamam. Ça, c'est mieux. Tamam. C'est préférable. Naam. وقال رحمه الله تعالى ويزين القرآن بصوته. Il nous dit qu'il lui incombe à celui qui lit, celui qui est imam, qu'il embellisse sa voix lorsqu'il lit. قال ويزين القرآن بصوته. Car le prophète sallam a recommandé cela. Il a dit ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. Il ne fait pas partie de nous celui qui n'a pas embelli sa voix, tamam, pour le Coran. Certaines personnes vont comprendre que il chante. Non, c'est pas chanter. Il Coran, c'est-à-dire qu'il doit, comment ça s'appelle, embellir sa voix. Embellir sa voix pour le Coran. Et il nous dit qu'à ce moment-là, ma adhina Allahu li shay'in adhina li nabiyyin min hasan sut yatghanna al Coran yajharu bihi. Ce hadith-là, il est authentifié. Muttafaqun alayhi, il est rapporté par Abu Harayra, dans lequel il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute guère une chose de la même manière qu'il écoute un prophète ayant une belle voix qui psalmodie le Coran avec une voix claire, tamam, et distincte, tamam. Donc comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, le fait que la personne ait embelli sa voix, tamam, est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit attentif à ta lecture et qu'il écoute ta lecture. Ma adina Allahu li shay'in adina li nabiyyin min hasan sut yataghanna al Coran. Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute guère une chose de la même manière qu'il écoute un prophète ayant une belle voix qui a psalmodié le Coran. Psalmodié le Coran. Donc, ceci nous prouve qu'il est vraiment préférable et qu'il est fortement recommandé d'embellir sa voix pour le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala est attentif à la lecture de celui qui a embelli sa voix. Qui a embelli sa voix, c'est-à-dire sans non plus, yani kadalika, comme l'ont évoqué le ulama, sans non plus yani, s'affliger une charge. Tamam. Parce que là, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, la belle voix, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, tamam, et qu'une chose yani, que tu ne peux pas acquérir. Tamam. Si jamais tu as une belle voix, tu as une belle voix. Lakin, le fait d'embellir ta voix, tamam, le fait d'essayer que ta voix soit belle, tamam, tu peux, ça c'est une chose que chacun il peut faire. Tamam. Lakin, de vouloir faire comme le lecteur un tel ou un tel, le mieux c'est que la personne se contente d'embellir sa voix comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Tamam. Sans pour autant suivre de la manière où, dont a lu Foulain parmi les lecteurs, tamam. Il se contente de lire et d'embellir la voix selon ses capacités, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa yataghanna bihi fi hudud al-ahkam al-ma'rufa 'inda ahli al-'ilm bitajwid, il dit, et il doit embellir sa voix pour le Coran en se limitant aux règles qui ont été évoquées dans le tajwid. تمام وها كيزون يتوكي دونك تجويد كاين لي درام الاظهار وكذلك بارك الله فيكم القلقله يعني الاحكام كي سو معروف دونك تجويد تمام سي سايت كوني كو لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم يليزي دو لا سورت اي سولا اي بريفيرام بور سولي كي لي لا ليكتور دو لير دو سيت مانيير لا قال ولا يتغنى على الالحان المبتدعه تمام يدي اي دو با لير دو لا مانيير دون لو في لي انوفاتور كوم سي لو كا عبد الصمد عبد الباسط تمام يعني سارتين بيرسون تي لو فوا tiennent leurs oreilles, ils lisent jusqu'à ce que les veines sortent, tamam, jusqu'à ce que le visage devienne tout rouge. Tamam, ça, c'est takalluf, hein. C'est une chose qui n'est pas demandée. Allah n'a pas un tahama anzalna alayka al-Qur'an et tashqa. Le Qur'an n'a pas été descendu pour que tu t'affliges à toi-même des difficultés et des charges. Tu l'as lu d'une manière simple, yani, sans t'affliger des charges, tamam, comme c'est le cas de certains lecteurs. Hatta il a dit, Cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala, lorsque Abdel Samad al-Mawar s'est inni, tu sais pas s'il est en train de chanter ou s'il est en train de lire. C'est-à-dire, des fois, yani, tu vois, il y a vraiment un tekallof, tamam. Ou même comme c'est le cas peut-être aussi de l'afasi. Yani, il a une manière de lire. Des fois, tu te demandes, est-ce que c'est un chant? Est-ce que c'est des anachides ou c'est du Coran, tamam? Si jamais t'es loin, T'as même, mais tu prêtes vraiment pas maintenant l'oreille à ce qui était, ce qui est lu, tu peux peut-être penser que la personne est en train de chanter. Donc Inch'Allah, le lecteur, il ne doit pas rien se conformer à ses, et s'identifier à ce genre de lecture, qui est, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, c'est des lectures qui sont innovées. قَالَ وَلَا عَلَى قَوَانِينَ الْمُسِيقِيَةِ كذلك, il ne doit pas lire d'une manière qu'on dise que ceci est de la musique. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ, c'est-à-dire le corriger l'imam lorsqu'il fait une erreur. De corriger l'imam lorsqu'il fait une erreur. الْفَتْحُ, c'est le fait de corriger l'imam lorsqu'il fait une erreur. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُشْرَعُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَتَقَصَّدَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ. Et dit Cheikh Al-Albani, رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى, donc il est légiféré pour celui qui est présidé, qu'il corrige l'imam si jamais il voit qu'il est bloqué dans sa lecture. Il n'arrive plus, il a oublié le verset, ou bien il s'est trompé sur le verset. Dans ce cas-là, le ta'awun il est matloub, c'est-à-dire l'entraide d'aller demander. Celui qui connaît le verset, ou qui sait que c'est l'imam il a fait une erreur à partir de ce moment-là, il doit quoi? Corriger l'imam, en lisant le verset correct, en le faisant comprendre qu'il s'est trompé, en disant peut-être subhanallah. En disant qu'il s'est trompé, même si Mathalani, il a oublié lui-même le verset, mais il sait que ce qu'il a lu, c'est pas ça. Il n'arrive plus. Dès qu'il dit, il dit subhanallah, afin que l'imam sache qu'il y a une chose qui lui est demandée de rectifier. Et ceci a été rapporté, authentifié, dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ubay ibn Ka'ab, radiallahu ta'anhu, dans lequel l'Anabi sallam, قال له, أصليت معنا, يعني لما ألبس على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي الحديث الذي تغابرته par Abu Dawood et d'autres et authentifié par Cheikh Al-Albani رحمة الله عليه dans lequel il dit lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم était perturbé dans la lecture l'ubisa عليه lorsqu'il a fini la lecture ou plutôt la prière il a demandé à Ubay ibn Ka'b يعني est-ce que tu étais parmi nous pendant la prière, étais-tu parmi nous pendant la prière? Il a dit Naram. Il a dit Fama manaraka an taftaha alayna. Qu'est-ce qui t'a empêché de me corriger lorsque j'ai été perturbé, on va dire comme ça, lorsque j'ai été perturbé dans ma lecture. Donc ceci nous prouve que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé le fait qu'il s'est tué. Il a réprimandé le fait qu'il s'est tué. Et c'est cas à l'écart, c'est le même jugement pour les personnes qui sont présidées à notre époque. Elles doivent corriger l'imam si jamais. Il est perturbé dans sa lecture, ou bien si jamais il s'est trompé. Ou Inch'Allah, lundi prochain, on va rentrer dans la mas'ala du ruku'a. Avant de conclure, je souhaite informer les personnes qui souhaiteront, Inch'Allah, participer, qu'il va être ouvert une session de cours pour Ramadan, afin qu'on se prépare à jeûner de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète l'agréent. Et kadalika, dans un, à titre de révision pour les personnes qui, même si jamais peut-être ils connaissent les sujets du Ramadan, mais à titre de révision, afin que les sujets du Ramadan, les thèmes de Ramadan soient plus fortifiés dans nos esprits et dans nos cœurs. Donc on va ouvrir des cours le mercredi et le vendredi pour les personnes qui souhaitent. Ce sera le mercredi à 12h30, heure de France, et le vendredi, Inch'Allah, à 3h30. Le vendredi à 3h30. Pour ceux qui veulent participer, Inch'Allah, donc le mercredi à 12h30 et le vendredi à 3h30, on fera un cours sur As-Siyam. Naham, Kazalika, pour ceux qui souhaitent participer, on aurait souhaité se concerter par rapport au livre. La proposition, ça sera le livre de Cheikh Al-Fawzan, Mulakhas Al-Fiqhi. Donc mercredi, Inch'Allah, on commence cela. Wa fiikum barakallah. Celui que moi je préfère faire, c'est celui de Cheikh Mohammed ibn Hizam. Il a fait un résumé des sujets qu'il a évoqués dans Boulogh et Marad, dans son livre Fath al-Allam, qu'il a intitulé Ithaf al-Anam. Un livre qui est un résumé sur les sujets du Siyam. Est-ce que ce livre-là, il est à disposition en France? Ithaf al-Anam, je vais l'écrire en arabe. Si ce livre-là, il est disponible en France, Fabiha wa Ni'ma. C'est bien. Parce que c'est vraiment un livre, parmi les livres de Siyam que j'ai pu voir, qui est vraiment excellent. Si ce n'est pas le cas, Inch'Allah, Mulakhas al-Faqih, je pense que celui-là il est disponible, lakin, peut-être que pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est peut-être un peu coûteux. Est-ce que certains d'entre vous ont le livre, celui-là, là, Mulakhas al-Faqih de Cheikh Al-Fawzan? En tout cas, celui-là est disponible en France. Il est marouf, moi je l'avais même acheté en France. Tamim, il est disponible en France, celui-là. C'est vraiment un excellent livre. Inch'Allah, même peut-être qu'il y en ait pour la suite, même je vous conseille de l'acheter. Si vous pouvez, Inch'Allah, je vous conseille de l'acheter, car Inch'Allah, je pense qu'il y en a, ça sera notre support dans les sujets de la jurisprudence. Tamim. Tu as un nom d'une maison d'édition. Là, franchement, la meilleure que j'ai trouvée, c'est celle de Ibn Jawziyya. Celle de Ibn Jawziyya, il y avait une autre version aussi qui était pas mal, et c'était quoi? Je crois que c'est Dar al-Rushd. L'auteur, c'est Mohamed ibn Hazam. Et Tahaf al-Anam, l'auteur, c'est Mohamed ibn Hazam. Si jamais ce livre-là est à la disposition en France, jayid. Lakin wallahu alam, c'est mieux même que vous prenez, même pour ceux qui n'ont pas la capacité, ou ceux qui n'ont pas le livre, que vous prenez quoi? Moulakhas al-Fiqih. Parce que lorsqu'on va finir, Inch'Allah, Sifat al-Salah, on va lire, Inch'Allah, dans les Masa'il de l'Wudu. On va lire dans l'Wudu. Et on va prendre ce support-là, c'est-à-dire le livre de Cheikh al-Fawzan, Moulakhas al-Fiqih. Donc ceux qui ont la possibilité de pouvoir l'acquérir, qu'ils le fassent, même. Et ils prennent n'importe quelle édition. La meilleure des éditions, c'est celle de Ibn Jawziyya. Ibn Jawziyya, et Kadalika, il y en a l'édition de Maktaba al-Rushd, si je me rappelle bien. Ces deux éditions-là, j'ai pu les voir, et Mashallah, Alhamdulillah, c'est deux bonnes éditions. C'est deux bonnes éditions. Y a-t-il des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? J'ai pas bien compris comment la parole de l'imam Nawawi indique que l'on peut lire d'autres sourates dans la troisième Karaka et d'Aïcha. Parce qu'il y a un ijma' en fait, c'est pas la parole de l'imam Nawawi. En fait, l'imam Nawawi, rahmallahu ta'ala, il ramène un ijma', que les savants sont tous unanimes, qu'il est possible. Ils ont dit, ils sont tous unanimes, qu'il faut baisser la voix, qu'il faut lire à voix basse dans la troisième. Bon, il faut lire à voix basse pendant Dhar, la Asr, la troisième unité de prière de Maghreb et la troisième unité de prière et quatrième de Isha. Donc ceci nous prouve qu'il est possible de lire. Parce qu'ils sont unanimes sur le fait que dans ces moments-là, on peut lire à voix basse. Donc le fait qu'ils sont unanimes, c'est un dalil. Le fait qu'ils sont unanimes, c'est un dalil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tajtami'u ummati ala dalala » Ils ont dit troisième et quatrième raka, non. Du Maghrib, du Isha. Dans la troisième du Maghrib, dans la troisième et quatrième du Isha. Naam, alhamdulillah. Afiyaka barakallah. Tamam, inshallah. J'ai une question, mais c'est hors. Tamam, inshallah. Juste avant la question, comme on a pu le dire, les conférences, elles auront plus lieu le samedi. Là, il y aura un cours sur les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. C'est pas Sharah al-Sunna, plutôt Usul al-Sunna de l'imam Ahmed. Les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Ça sera kazalika en direct de la mosquée de Champigny. Et ça sera kazalika différé sur le InSpeak. Par rapport au wudu de Abu Harayra, naam. Vas-y, tfaddal 85, t'écoute, par rapport à la question. J'ai une question, mais c'est hors du sujet. Tu avais parlé de Abu Hurayra qui faisait monter l'eau plus que le coude. Mais que c'était pas à faire, naam. Cheikh l'Islam Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il a évoqué cela. Et même, hatta, tu prends n'importe quel charh du hadith. Le hadith est muttafaqan alayhi. Hatta, si jamais tu as le charh de Umdat al-Ahkam, que ce soit d'Al-Bassam ou Bashir. Moi, ce que je me rappelle, en gros, il a fait un rad sur cela. Il nous dit, parce que le fait que tu dépasses, مثلا, parce que il dit, le fait que tu dépasses le visage, le fait que tu dépasses le visage, tu vas rentrer dans les cheveux, tu vois. Tu rentres dans les cheveux, il dit, il est dans la tête. Il dit, le fait de rentrer dans la tête, c'est pas le visage. Il avait expliqué un truc comme ça, ce que je me rappelle. En tout cas, ils ont parlé sur cela. C'est ma'ruf, t'as. Dans n'importe quel charh que tu vas trouver de Umdat al-Ahkam, que ce soit le Uthaymin ou le Bassam ou autre, même tu vas trouver Kazalika dans l'imam Nawawi, tous ils ont parlé de ce sujet-là. Ils sont tous, je crois, unanimes que c'est interdit de faire ça. Mais Inch'Allah, si tu veux, Inch'Allah, on regardera la Mas'ala et dans le prochain cours, Inch'Allah, on va évoquer ce sujet-là. En tout cas, c'est ma'ruf. Hatta Yanni, il est venu un hadith, ou putain, un hadith dans lequel il a fait cela. Et il se cachait quand il le faisait. Il ne faisait pas faire, parce que c'est pour montrer vraiment que c'était un effort d'interprétation. Il se cachait quand il le faisait. Une fois, un des sahabis, ou plutôt un tabir, il l'a vu. Et il a été dit que, Abu Hurayra, dès qu'il l'a vu, il a dit, si jamais j'aurais su que tu étais là, Tam, j'aurais jamais fait cela. Tam. On va conclure sur cela, j'ai un peu d'argent. Et Inch'Allah pour la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك عفوا